Troll de Li. Cet homme est un grimpeur. Il peut dormir dans les airs. Son lit est accroché sur le rocher. Ces gens sont aussi des grimpeurs. Leurs lits sont dans la neige. Regarde cet homme, regarde son lit. Il est sur un tricycle. Cet homme est dans un engin spatial. Voici son lit. Ces gens sont dans un sous-marin. Ils sont sous l'eau. Voici leur lit. Regarde ce siège. C'est aussi un lit. Cette femme dort dans un avion. Regarde ces gens. Regarde leur lit.